trois pas, par Pierre Trimouya. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À trois pas. 1. Être jeune, aimable et jolie, et c'est, je pense, un peu mon cas, vous suscite bien des tracas. On est belle, est-ce qu'on l'oublie? Mille faiseurs de compliments, jeunes et vieux, laids ou charmants, vous assiègent à tout moment. Ce bruit, s'il faut être sincère, est pour nous un mal nécessaire. Moi, je souffre tous les discours, pleins d'esprit ou sots, lents ou courts. Mais, au bon moyen, j'ai recours. J'entends qu'on soit, par convenance, à trois pas de distance. 2. À cette condition, certes, tous peuvent m'exposer leurs vœux. Ces trois pas qu'entre nous je veux, j'en sais que cela déconcerte. Pourquoi donc? Que désire-t-il? Lancer de grands mots puérils, régal des esprits peu subtils? Eh bien, je livre sans défense mes oreilles quand rien n'offense. Peut-être que ces amoureux, trop dédaigneux des discours creux, seraient de près fort dangereux. Tandis qu'ils sont sans importance à trois pas de distance. 3. Pourtant, quelquefois on rencontre des gens pleins de sincérité, dont le cœur n'est point irrité de la rigueur que je leur montre. L'un d'entre eux, qui me plaît assez, très grand, brun, 26 ans passés, sans prendre d'airs embarrassés, a su très bien plaider sa cause, de notre mariage en cause. Malgré son plaidoyer adroit, on se trompe fort s'il en croit que je suis faible à son endroit. Je le tiens avec persistance à trois pas de distance. 4. Du grand jour, on est à la veille. Aussi, monsieur fait le mutin. Ne voulait-il pas ce matin me prendre un baiser? Mais je veille. Oh, disait-il, accordez-moi un seul. Là-bas, votre maman est tout entière à son roman. Au fond du salon, votre père lit son journal, fort lent, j'espère. Il était sur le point d'oser prendre malgré moi ce baiser. Je dus, las de refuser, tripler, malgré sa résistance, les trois pas de distance. 5. On dit qu'après le mariage, le plus timide soupirant devient un terrible tyran, auquel toujours céder est sage. S'il exige trop, cependant, ne pas obéir est prudent. Mais sachant quel amour ardent celui que j'épouse me voue, pour lui tout seul je me dévoue. J'aurai l'air, par distraction, de n'y pas faire attention, s'il n'est pas après l'union, tout à fait devant l'assistance, à trois pas de distance. Fin de À trois pas, lu par Sonia.